Quand la terre de tourner s'arrête, il en faut peu pour que l'on perde la tête. La nuit n'a pas son pareil pour nous donner des ailes. Oublie le temps dès à présent, un jour sans lendemain, il n'y aura pas de fin. Pour rien au monde, pas cette seconde, hésitons désormais à faire ce qui nous plaît. Je me serais perdu en chemin, sais-tu que je reviens de loin, de démontrer qui nous tend les bras, par-dessus tout le fond les voiles, sans même savoir où l'on va. Pour nous, qu'est-ce que cela n'en finisse pas. Oublie le temps, dès à présent, un jour sans lendemain, il n'y aura pas de fin. Pour rien au monde, pas une seconde, hésitons désormais à faire ce qui nous plaît. Aussi le faux ne tenant plus en place, sans même savoir où l'on va. Pourvu que cela n'en finisse pas. J'en ai vu de toutes les couleurs, un simple geste vogue l'humeur. Et pourquoi en rester là, qu'importe si ça ne suffit pas. Un jour sans lendemain, il n'y aura pas de fin. Pour rien au monde, pas une seconde, hésitons désormais à faire ce qui nous plaît.